le rap grandir, j'ai vu le rap couler, j'ai vu le rap mentir ou essayer de nous rouler. J'ai vu le rap game, j'ai vu le rap lourd, j'ai vu le rap sale exploser au milieu de la cour. J'ai vu le rap US, j'ai vu le rap tuer, j'ai vu le rap censé enlever de nos yeux la buée. J'ai vu le rap ghetto, j'ai vu le rap star, j'ai vu le rap mourir comme Tupac, Old Dirty Bastard. J'ai vu le rap mytho passer à la télé, les MC défiler qui se la racontent à l'heure qu'il est. J'ai vu le rap business tenu par des minables, des putains d'MC et des concerts interminables. J'ai vu le rap major, j'ai vu le rap indé, des mecs qui avaient tout mis et qui sont toujours pas blindés. J'ai vu un tas de gens qui avaient tant de choses à prouver. Moi je laisserai le rap dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Ce qu'on dit, c'est que tu peux monter ou descendre, mais aujourd'hui y'en a plus d'un que je peux pas comprendre. Leurs torpilles peuvent nous scier les jambes, mais n'empêcheront jamais les gens bien de rentrer dans la légende. Ce qu'on dit, c'est que tu peux monter ou descendre, comme à demi le son que le public veut entendre. Leurs torpilles peuvent nous scier les jambes, mais n'empêcheront jamais les gens bien de rentrer dans la légende. J'ai vu le rap sérieux, j'ai vu le rap qui te plaît, j'ai vu le rap se faire vieux comme nos anciens couplets. J'ai vu le rap cassette, j'ai vu le rap CD, j'ai vu le rap barbu, rasé ou peut-être drogué. J'ai vu le rap que t'aimes, j'ai même grandi avec. J'ai vu l'industrie de sucre atrophiler le diabète. J'ai vu le rap de rue, j'ai vu le rap de luxe, j'ai vu le rap prise de tête pour de la musique en plus. J'ai vu le rap d'avant, j'ai vu le rap d'hier, j'ai vu le rap se noyer dans une bouteille de bière. J'ai vu le rap lutter, j'ai vu le rap d'actu, j'ai vu le rap en clair, un big up à tout ce qui tue. J'ai vu le rap gangstar, j'ai vu le rap d'acteur, j'ai vu le rap bugger comme ta mémoire d'ordinateur. J'ai vu le rap se taire, j'ai vu le rap rien dire, j'ai vu le rap dirty mais je préfère hippie MD. J'ai vu le rap mentir, mais j'écris en vrai, moi je laisserai le rap dans l'état dans lequel je l'ai trouvé. Ce qu'on dit, c'est que tu peux monter ou descendre, mais aujourd'hui y'en a plus d'un que je peux pas comprendre. Leurs torpilles peuvent nous scier les jambes, mais n'empêcheront jamais les gens bien de rentrer dans la légende. Ce qu'on dit, c'est que tu peux monter ou descendre, comme à demi le son que le public veut entendre. Leurs torpilles peuvent nous scier les jambes, mais n'empêcheront jamais les gens bien de rentrer dans la légende. Ouais. Merci Coma. Demi. Hey. Demi portion. On met Coma. Secret connexion. El Gauri à la prod.